Bonsoir, ça va? Il est 20h et 6 minutes du côté de Koweït. Tu es dans quelle ville de Koweït? Je connais pas trop l'endroit, quoi. Et si je connais pas trop le Koweït. Tu es à Diarra, où ça, à quoi, Diarra? Oui, Diarra, au moment que j'étais à Diarra, je suis venue chez la mère de ma patronne. Chaque vendredi, on vient chez elle. Et tu loges chez la mère de ta patronne. Oui, les vendredis, on vient chez elle. Et là maintenant les patrons sont où? Bon, elles sont ici en haut, elle en bas. J'espère que ça ne doit pas Elle en déranger. bas, On ne doit pas oui. dire que tu passes ton temps sur les médias et tu ne fais pas le travail de maison dans toutes les questions. Non, je suis avec l'enfant, j'ai l'enfant à me dire, je suis avec l'enfant. Tout le monde pour m'appeler, moi, je peux m'appeler quand on va vouloir rentrer. Rentre, vous allez rentrer la nuit comme ça. Ah, ici, c'est le matin, c'est la journée. Non, c'est les gens, les Ici, le gens. matin, c'est le. La nuit, c'est le matin, hein. C'est les gens marchent beaucoup la nuit. Oui, la nuit, c'est le matin. Le matin, c'est l'heure qu'ils dorment. Ok, je suis à ton service. Parle-moi donc. Comment tu as fait pour m'avoir? Comment tu as fait pour. Je crois que c'est Non, vrai. Donc, comment il fait? C'est quoi? Je suis souvent vos messages à YouTube. Oui. Je suis souvent à YouTube, oui. C'est ça. Je suis souvent à YouTube. Donc, ça, c'est la façon que je puisse vous connaître. Depuis quand alors tu suis les messages, Ingrid? Depuis que je suis venu à Koweït. Ok. Et ici. Et quand tu suis les messages, Pardon. tu n'as pas dit ha! J'ai dit non, c'est difficile, mais je suis toujours dans. J'ai dit non. Je suis. C'est difficile, mais on cherche. Et c'est qu'on cherche. On fait quoi? On se voit, on parle de conversation, c'est Seigneur nous aide. Seulement. Oui. Raconte-moi alors ton périple. Pourquoi tu es allé au Koweït alors? Tu as dit que le pays des pôles bien va mal. Tu vas te chercher ailleurs. En tout cas, il m'a expliqué comment il est. Bon, c'était pas un réseau. C'était pas dans la vie. C'était. Bon, la femme, je peux dire quoi? Le grand frère de la femme, bon, du pasteur, comme je dis là où j'étais au Cameroun, Réunion des Bonfils. Le grand frère de sa femme, lui, c'est lui qui a eu le réseau, qui était toujours un pasteur comme ça, qui a eu le réseau pour venir sur la Koweït. Lui aussi, il était pasteur. Lui, il est aussi pasteur. Et les pasteurs ont les Il réseaux est pour voir. pasteur. Il est pasteur. Oui, il a un réseau. Il avait un réseau, il faisait venir les filles ici à Koweït. Oui, il avait leur proposé. Oui, je suis partant, c'est peu. Oui, je suis partant. C'est comme ça, alors qu'on a fait les démarches, je suis venu. Et là, tu es arrivé par les eaux ou par l'air? Elle parlait, pas Oh, l'avion. ok. Parce que tu ne sais pas nager, tu sais que tu devais te noyer là-bas, bien même quoi. C'est vrai. On a payé. Bon, quand ils sont arrivés ici à Koweït, j'ai su que c'était les gens qui payent tout. Parce qu'il avait seulement pris notre argent comme ça là. Il avait pris l'argent comme ça. C'est quand ils sont arrivés ici que les gens qui payent tout. Parce que quand tu arrives, on te traite comme un esclave. Attends, Parce attends. que Donc le pasteur vous prend l'argent en vous disant que je vous donne un avenir meilleur, vous allez voyager. Mais de l'autre côté, Oui. les partenaires là-bas qui demandaient de chercher les filles ont déjà payé ton transport, tout pour que tu viennes. Oui, De l'autre côté, encore, ils sont il vous prend l'argent comme si vous favorisez pour payer vos billets d'avion. Oui. Après, il prêche le nom de Jésus. Voilà. Raconte-moi alors. Après, ici alors, il veut dire comme ça. Quand j'ai su que non, on avait tout payé. On avait déjà tout payé. Alors, comme ici, comme on paye tout. Tu dois alors travailler cet parce qu'ils ont argent-là. tout payé. Oui. Tu dois vraiment travailler comme il faut. Et quand je ne travaille pas, c'est un problème. Oui, c'est un peu comme ça. Il a pris tout l'argent. Le Il pasteur vous a a pris combien demandé par 1 exemple? million. 1 million. Hein? Le pasteur Il vous a a pris. demandé 1 million. Lui, il a même pris certaines filles. Parce que Oui. j'ai rencontré certaines filles ici. Il a tout fait venir. Il a pris les 1 million, les 2 millions. Mais il nous a pris 750 000. Oui. Oui, parce que à ce temps-là, mon père était couché à l'hôpital. On n'avait pas l'argent pour payer cette somme-là. Oui, il a pris la quantité-là. Et quand il prend la ça, il dit que c'est pour les démarches et votre billet d'avion. Il a dit comme ça, là. C'est ça, il veut dire que je suis la vérité. Et quand vous donnez les 750, vous remerciez, vous le remerciez en disant que le pasteur est très gentil. Voilà, c'était ça que vous me disiez. En fait, oui, je disais qu'il est gentil, frère. Je pouvais même que Dieu tout son cœur. Il prend que. Je pouvais que Dieu tout son cœur. Que Dieu lui Il donne prend encore des tout. grâces, beaucoup de grâces, comment il fait pour bénir les gens comme ça. Quand tu étais dans l'avion, tu étais content que non, le pasteur là, que Dieu le bénisse encore davantage, quoi. Ouais, c'était ça, j'ai vu le feu. J'ai dit que Dieu n'existe pas. J'ai vu le feu. Tu as cru que Dieu Oui. n'existait pas? Dieu, parce que avant que je couvre la famille ici, que je suis là maintenant, c'était parce que quand tu viens ici, on t'accueille. Une agence Oui. t'accueille. Maintenant, alors. Une famille qui t'a choisi, la famille qui a payé tout, tout, vient te prendre. Maintenant, tu pars là-bas, tu travailles. Certains même dorment mal à la cuisine. Moi, on m'a pas, ma chambre n'était pas la cuisine. Certains les chambres, on les accueille seulement à la cuisine. Ma part, c'était pas. On peut dire pas la grâce de Dieu. C'était pas la cuisine. C'est un peu comme ça, oui. Maintenant, quand tu ne travailles pas, maintenant, quand le travail est difficile, tu n'as pas l'argent, donc tu changes de maison. Donc, tu as droit à 3 maisons. Et les gens qui ont payé là, dans ces Eux cas, font comment? partent, eux changent, non. Eux changent, ils prennent une autre personne. On les rembourse l'argent. Ok, donc Donc, ces gens-là versent l'argent dans une comme agence. Il y a ça. une agence qui gère cela. Oui, il y a une agence ici, Et là. Oui. eux, ils versent l'argent à l'agence. Et l'agent maintenant choisit les partenaires pour pouvoir faire venir les filles. Oui, C'est c'est connu comme ça. officiellement là-bas au Koweït. Moi, ce que je sais, mais c'est pas dit que c'est aussi en Libye, au Liban. Au On dit Liban. au Liban, au Liban, oui. Au Liban, oui. Je suis aussi au Liban. Donc tu as eu la grâce de Dieu de tomber sur une famille qui est au moins humanitaire. Avant de tomber sur la famille, si j'ai changé de maison en maison, je peux dire j'ai changé peut-être même 8 ou 7. Wow. Ah ouais. Donc. Tu as foulé le sol koweïtien depuis quelle date? 2000, c'est petit 2015. Donc ça fait presque 3 ans que tu es là-bas. Oui. Et tu as vu le feu. Pas le feu du J'ai vu Saint-Esprit. le feu. Le feu du J'ai vu Saint-Esprit. le feu. J'ai pleuré sous les yeux des larmes. Oh, c'est adieu fatigué. Ça veut dire que si tu avais l'opportunité de rentrer, et de facto, tu devais rentrer. Oui, alors il a eu le temps là. Le temps là, j'ai. Oui, le temps là, j'avais appelé le pasteur à lui dire qu'il a dit, pardon, tu ne peux rentrer. Parce que avant de rentrer, tu vas les rembourser. Elle dit que tu rembourses l'argent qu'on t'a fait venir, oui. Elle dit que quel argent qu'on m'a fait venir, mon a payé, dit jamais, il doit rembourser. Parce que là, on dit qu'elle demande combien on doit donner pour qu'il envoie, pour qu'il rentre. Maintenant, alors la famille s'est alors venue. Je suis venue, oui. J'ai testé, non. La famille était un peu par rapport aux autres, c'était quand même Accueillant. meilleur, quoi. Par rapport aux autres familles. Bon, et à Oui. peu près, tu as eu vent on a déboursé combien là-bas pour que tu puisses venir, les gens de là-bas. Je ne connais pas combien de dépenses. Même c'est ton père le billet d'avion, le visa. Le billet d'avion, le visa. Je compte toi qui fais le passeport là-bas. Tu fais le passeport. Oui. Et c'est que c'est un peu comme ça. Je ne sais pas combien de dépenses. Donc, en clair, c'est une forme d'esclavage encore. Oui, voilà. Les mamans m'a pas comme expliqué même ça, comme l'esclavage. On t'achète. Donc tu veux gagner l'argent, on donne l'argent, on t'achète. On t'achète. Tu Donc, viens puis travailler. on t'achète. Oui, je viens travailler. Et Comme le... l'esclavage. Oui. Bon, et le pasteur là, il est où Et c'est maintenant? du ton salaire. Hein? Et le pasteur là, il est où? Il reste la Yaoundé là-bas, mais il reste quelques... Donc il est toujours au Cameroun, il fait toujours la même, il fait toujours les mêmes navettes, les mêmes choses, le même commerce. Je ne sais plus ce qu'il fait. Il a beaucoup. Il peut voyager à Kuala Lumpur, pour aller à Dubaï, pour aller dans tous les pays. Et donc c'est son business qu'il fait là-bas pour avoir de l'argent. Non, c'est son business. Je crois peut-être que c'est son business, je ne sais pas trop. Mmh. Il a mis une assemblée. Mmh. C'était... Oui. Et quand tu le. Avec le passage maintenant, ton passage au Koweït, qu'est-ce que tu penses de ces pasteurs? Et qu'est-ce que tu penses des choses que les pasteurs font, particulièrement cela? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait? C'est terrible, non? C'était vraiment. Ça m'a étonné parce que. Je peux pas imaginer un pasteur vraiment qui t'a vraiment étonné. C'était la pauvreté que tu lui dis. Tu lui dis qu'arrête ça. J'étais étonné, ça m'a. Il sait pas combien il est. C'est inexplicable. Mmh. C'est vraiment. Je n'arrive pas à comprendre. Comment un pasteur peut faire ça? Parce que moi-même, je ne comprenais pas. Mmh. Donc, c'était ton pasteur quand tu étais ici au Cameroun. Je ne sais pas si ça dit. La France a arraché mes écouteurs. Je suis pas bien sûr. C'est un Koweïtien. Donc, je t'en ai demandé, c'était ton pasteur quand tu étais au Cameroun alors? Non, c'est pas mon pasteur. Son mari est pasteur. Oui. Oui, ils sont amis Boma, les pédés, les persévérants, amis Boma. Oui. Oui, son mari est pasteur, là-bas, il est pasteur. Oui. Et vous avez fini le culte, vous avez dit qu'il y a un réseau ici de voyage. Tu as dit gloire à Dieu, tu as parlé en langue un peu. Quand enfin il sort de la souffrance, quoi. Dis-moi alors. C'est un peu ça. Ok. Et quand tu es arrivé, quelles sont les difficultés auxquelles tu t'es confronté? Je te raconte en détail. Difficultés. Bon, j'ai changé de maison. Ils me viennent avec pour le travail. La première maison, les gens qui m'ont pris, la famille qui m'ont pris, j'ai arrivé avec pour le travail. Tellement au travail que j'étais vraiment. J'avais mal partout, j'étais même malade. J'ai fait 2 semaines, 14 jours, on m'a amené à l'agent. Ma femme là me tapait même. Elle me tapait, elle dit qu'elle veut prendre son mari. Donc, il était même pas. Elle dit que je veux prendre son mari. Ça qui me. Donc, parce que. Moi, c'est quelqu'un qui aime trop sourire. Mmh. Elle pense que quand elle sourit comme ça, là, peut-être que je souris pour prendre son mari. Et tu souris comme ça, son mari n'a pas les dents. Lui aussi, il sourit, n'a pas les dents. Sa femme pense que tu es pas son mari qui n'a pas les dents. Et toi-même, tu sais que vous, les femmes, là, vous êtes très fortes quand vous travaillez dans les maisons des gens, non? C'est comme vous appelez les pimentiers ou bien les panthères. Non, moi, je dis pour le chat, là. Tu n'es pas panthère. Moi, je dis pour le chat, là. Je dis pour le chat, là. Et lorsqu'on bat sur vous comme ça, il n'y a pas de droit, vous n'avez pas de droit là-bas pour revendiquer. Quand tu ne peux pas parler ni l'arabe, ni la je n'ai pas vu revendiquer. Quand elle m'a tapé comme ça là, j'ai dit que maintenant, quand elle m'a tapé, maintenant j'ai poussé ses mains pour faire partir à son fils que je l'ai tapé. Maintenant, son fils vient, il me dit, il va m'amener, il a fait la police. Qui va appeler la police. À ce temps, j'étais naïve, je ne comprenais pas. Mm-hmm. Parce que je ne savais pas, il y a une nouvelle. Mm-hmm. Il a dit qu'il va appeler la police. Et j'ai même supplié qu'il n'appelle pas. Mm-hmm. Après, elle m'a pris son passé à l'agence. Mm-hmm. Après, j'ai fait ça à l'agence. C'était un mois, c'était une semaine. Après, j'ai changé de maison, tout comme ça. Puis, c'est même parti en Arabie Saoudite. Tu es allé en Arabie Saoudite toujours pour travailler chez les gens? Oui. Oui, pour travailler. C'est eux qui t'expédient là-bas comme un colis, comme des colis. Oui, c'est comme ça. On va faire comment? C'est comme ça. Je suis parti en Arabie Saoudite. C'est là-bas alors que j'ai dit que peut-être que Dieu m'a abandonné. J'ai, c'était, donc, tu travailles 24 sur 24 et debout. Donc, je me mettais debout pour laver les, comme les vendredis comme ça, ils sont nombreux, ils viennent à la maison. Mon pied m'était semblé comme ça. Donc, je n'avais plus la force. J'ai crié à Dieu. J'ai dormi même pas, j'ai crié à Dieu. Eh, mon Dieu! Je faisais que Dieu, comme si Dieu me faisait, ne sais pas ta volonté, tout le monde me rend que. Parle-moi, mais viens. Dieu est silencieux, il ne me regarde même pas. Il dit ok. Il n'y a pas abandonné, il veut que tu aies tout comme ça. C'était un jour, il a dit que je ne peux pas te nettoyer, c'était où? Et que non, je ne peux pas nettoyer là-bas. Mais tu m'amènes, tu me ramènes à Corée. Après, tu m'amènes à Corée. C'est un peu comme ça. Après, je suis venue à Corée, à l'agence, j'ai changé Toujours en droit la même d'agence. agence. Oui, j'ai changé d'agence. Parce qu'on m'a dit que comment je suis partie, elle m'a mis, c'est quoi, je ne sais pas si c'est le visa, parce qu'il faut un visa pour aller à l'Arabie Saoudite. Oui. On m'a fait le visa et que je ne peux plus, je Oui. dois repartir. Elle dit que je ne peux pas repartir en Arabie Saoudite, je ne peux pas, vous voulez me tuer là, Oui. en Corée, je ne peux pas repartir là-bas. Oui. Et Et là, ça, qui après, on a m'a payé changé. ton billet d'avant pour quitter de l'Arabie Saoudite encore au Koweït? Je ne sais pas comment ils ont arrangé là-bas. Je ne sais pas comment ils ont arrangé là-bas. Bon, et donc à l'agence, est-ce que tu vois encore beaucoup d'autres filles de d'autres pays d'Afrique et ainsi de suite, c'est là-bas? Ils sont, oui, ils sont là. Des Ils différentes sont là, mais nationalités. quand j'étais à l'agence, ils les voyaient, mais non, ils ne les voient plus. C'est quand j'étais à l'agence. Oui. Donc chacune d'elles chacune est dispersée dispatchée dans différentes maisons. Oui, c'est Et pas la maison. quand vous êtes dans le vous réunissez à l'agence, est-ce qu'il vous il arrive de partager vos expériences et que vous subissez dans les différentes familles? Oui, on cause, oui. Quels sont les différents On cause. traitements? Après, Quels sont les différents traitements qu'on certains vous disent qu'il inflige? y a l'homme veut violer. Peut-être que les enfants veulent violer. Il y a trop le travail. Elle ne dort pas. Elle dort à la cuisine. Les choses, chacun raconte sa situation. Le cas de violence sexuelle là, vous plaignez à qui? Oui. Tu peux te plaindre. L'agence mis à cette fille qu'on faut. Quelqu'un se plaignait trop. Le chef de l'agence prend la chute. Le chef de Le chef de l'agence l'agence qui gère l'agence, qui gère la transition entre prend vous et les différentes familles. la chute. Oui, il faut. Y Il a-t-il faut. eu des cas de décès ou bien on vous a caché? Non. Non. Ok. Alors, On m'a fait déjà. on t'appelle déjà. Non, ma père dit qu'on rentre à la maison. Ok. Bon, Oui, rapidement là maintenant, vous travaillez jusqu'à comment? À quel moment vous commencez à toucher des salaires? chaque 1 mois. Pas Bon, moi. chaque 3 mois. Pas moi. Pas Non, moi. chaque mois. Chaque mois, oui, pas moi. Moi, c'est pas pour les autres, parce que les autres ont les problèmes de salaire. C'est pour moi. Chaque mois. Donc, chaque pas moi, mais fait. Et à peu près Oui. combien en France CFA on te paye par mois là que tu reçois? On peut payer 90 là. Au C'est-à-dire Cameroun, c'est 152 000. 152 000. Oui. Mais est-ce que avec le temps maintenant, tu penses que s'il fallait être au Cameroun, ou bien est-ce que tu regrettes d'être parti? Mais Je regrette. pourquoi tu ne penses pas rentrer avec le salaire qu'on te paye? Tu ne penses pas rentrer? Rentrer. Non, Oui. mais maintenant, sans l'impôt, augmenter mon salaire quand même. Oui, sans dire que tu as maintenant, on t'a flatté pour que tu vives encore au Koweït, quoi. Non, pas fait vivre. Peut-être que c'est comme ça. Je suis passé, non. Attends, on va causer. Attends, on peut causer, je ne sais pas. On va causer. Et peut-être que c'est parce que c'est occupé. C'est qu'on rentre, c'est peut-être si. Ok, dès que tu arrives là, tu me fais si on continue alors. À tout à l'heure. Ok. À toutes les choses en ligne, je t'attends, d'accord? Ok. Oh. Bonne arrivée encore. Merci. Vous avez eu à rouler, il est presque 1 heure, presque minuit ici au Cameroun. Il est quelle heure là-bas? 2 heures de moins, n'est-ce pas? Il doit être Non. 22h56 là-bas. Une heure 1h56. Non, il est 1 heure 50. Ok. Donc bientôt 2 heures chez vous, n'est-ce pas? Et là, tes patrons ne dorment pas. Où sont les chambres? Vous avez bien roulé, Où sont vous êtes dans la même ville où vous étiez. les Non, nous sommes dans la Non. même ville. C'est quoi Kuwait City. Donc vous avez quitté une ville à une autre. Ok, je suis à ton écoute. Donc la dernière fois, j'étais en train de demander combien tu touchais. Tu as dit on a augmenté ton salaire. Et je demandais si tu souhaiterais rentrer maintenant. Allô? Allô? Alors, Allô? oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ma patronne qui est venue. Ma patronne, il est caché dans j'ai arrêté. Et ta chambre, tu es dans ta chambre, ta chambre ne se ferme pas. Bon, je dors dans la chambre des enfants, je suis pas dans ma chambre. Dans la chambre des enfants. Donc, elle vient, elle peut lui prendre la bière, elle peut lui faire quelque chose. Oui. Là, tu Elle t'es. vient, n'est-ce pas? Là, tu es où maintenant? Je suis de partir vers les toilettes, Bon, elle est suspecte. Elle était suspecte. Non, elle ne suspecte pas. Et si elle te voit en train de causer sur le téléphone, ça pose problème. Non. Bon, elle va dire que, le problème, c'est que quoi? Elle va dire que, si elle me voit, pas déranger, mais. À l'heure il doit me réveiller. Elle va dire ok. Et puis il dit que non, je vais sauver encore demain et que tu causes au téléphone maintenant, tu veux dormir. Tu pouvais bien dormir, mais tu causes au téléphone, tu veux quoi? Mais c'est un peu ça. Elle va nous voir causer, elle va pas demander, elle va rien faire, mais à l'heure il doit me réveiller, il doit me. Donc, et donc, je disais qu'il est sauvé, il dit pardon, je vais encore donner la aussi. Il a dit que tu poses au téléphone. Donc, pas de problème. C'est un peu ça. Ok, dis-moi donc. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes filles africaines qui voient la vie toujours rose et qui rejettent leur pays malgré les difficultés qu'ils ont et qui souhaitent aller plutôt à l'extérieur travailler, particulièrement dans les pays arabes? Est-ce que tu leur conseillerais encore de faire le chemin pour venir par là-bas? Non, comme ça. Et elle ne te dit pas que Il a dit, est-ce qu'elle ne te répond pas que ok, si c'était mauvais, pourquoi toi tu ne rentres pas? c'est ça, non? Elle dit comme ça. Elle dit comme ça, non? Elle dit que. Moi aussi, je viens avant de voir. Je suis venu avant de voir. On n'a pas les mêmes dons. On n'a pas la Chacun même, peut chacun a sa tenter sa chance. chance. Ok, donc elles disent qu'elles vont tout tenter de leur chance. Et on voit avant d'accepter. Y a-t-il des représentations diplomatiques camerounaises là-bas au Koweït? Merci. Y a-t-il des représentations diplomatiques, y a-t-il des missions diplomatiques des ambassades ou bien des consulats camerounais là-bas? L'ambassade de Kuwait du Cameroun Ça veut dire que si vous avez un problème là-bas, vous vous plaignez chez qui? En tant que Camerounais, par exemple, le cas du Camerounais. c'est pas l'agence sinon c'est pas l'agence Et c'est pas l'agence l'agence est contrôlée l'agence par de les. quoi L'agence est contrôlée par qui? l'agence je ne sais pas c'est pas l'agence avant que l'agence voit la personne qui t'a fait venir dans le après il a fait le business oui. La bête, on voit comment on va faire. Comment on va faire. C'est un peu ça. Ok. On n'a pas. Y a-t-il un moment où tu as appelé ton pasteur qui t'a fait le pasteur qui t'a fait voyager là-bas pour lui dire que tu n'es pas content de lui? Non. rien pas appelé. Je n'avais pas dit. Il m'avait seulement demandé que je n'allais pas rien trouver une bonne maison. Il a dit oui. Il a dit ok. On n'a pas. Oui. Parce qu'il a fait venir beaucoup de gens, même ses enfants. Ses propres enfants? Où ça? Même ses enfants, oui. Ses enfants de naissance ou bien les enfants adoptés? Ses enfants de naissance. Les jumelles. Il y avait une fille dedans. Elle a fait 6 ans, même plus ou moins, je ne sais pas. Elle est rentrée. Elle est rentrée au Cameroun. Pourquoi? Je ne sais pas si elle est repartie. Non, parce qu'elle voulait aller voir ses parents, non, parce qu'elle a trop duré de eux. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne ce soir alors? Il faut chercher à voter. La vie n'est pas facile, mais chacun. As-tu déjà eu des attouchements de la part des gens chez qui tu allais tout travailler ou bien des tentatives de viol chez toi? Non, je sais seulement que il y avait une maison, il y avait une autre maison que j'avais changée. Il y avait un enfant qui, je sais pas, il pouvait avoir 14 ans, 15 ans, qui venait gay. Moi, si je le voyais pas, mais j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui me gay. Un peu comme ça, oui. Mais d'autres femmes, d'autres filles qui travaillent là-bas disent, parlent des menaces, des sévices sur leur corps, des viols. Oui, il y a certaines, oui. Il y a certaines filles, oui. Il y a une certaine fille, je ne sais pas si c'était les Philippines, c'était quoi. Il y avait, le père a couché avec elle, les enfants, les fils. Parce qu'elle était même fatiguée, comme ça, elle a manqué ça. Elle a mis la caméra, elle ne savait pas. Oui. Après, elle a prié. Oui. Attends, le papa et les filles et ses enfants ont couché au même moment, ou bien oui. Chacun venait à son tour, ils ne connaissaient pas. Vraiment? Au même moment. Attends, le père se connaissant. On a donné ça. Alors, le père connaissait ce qu'il connaissait. Ils ont donné l'argent. Attends, et la maman de la maison était où? Je ne sais pas où elle était. Elle n'a pas parlé. Je ne sais pas où elle était. Là, c'est pas bon. Là, on a vu la vidéo. Comment chacun passait à son tour d'Europe. Et elle a publié la vidéo. Oui, elle a mis la vidéo, elle ne savait pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec cette vidéo? Elle a publié. C'est une fille philippine qui m'expliquait. Oui. Qu'est-ce qui en est arrivé de cette famille-là? Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à cela? Je ne connais pas la suite. J'espère qu'elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante, n'est-ce pas? Je ne sais pas si elle est vivante, elle est morte. La personne qu'elle était dans la vidéo, elle était fatiguée. Elle était fatiguée, juste ça. Je ne sais pas si elle est encore. Voilà. Voudras-tu que ton témoignage soit publié pour dissuader les filles ou bien pour donner conseil aux gens? Comment, ma soeur? Il n'entend pas bien. Pas de problème. Que le Seigneur te bénisse. As-tu des conseils à donner à toutes les filles africaines qui souhaiteraient aller chercher quoi, l'avenir ailleurs? C'est un peu dit, chacun reste dans son pays. Se doit dans son pays parce que c'est pas facile. Donc, toi, tu es pays arabe. Donc, on a augmenté ton salaire. Tu veux pas que les gens viennent toucher sur le salaire, quoi? Hein? Qu'ils viennent alors? Qu'ils viennent alors continuer? La grâce est familiale, les potes aussi. Au bon. Et parle-moi maintenant, ok. Je suis le croix pour le Seigneur. Tu vas te laisser aller, tu vas te laisser donner. elle n'aime pas pour, elle n'aime pas de plus. Il faut avoir la crainte de Dieu. Moi, la crainte de Dieu, je suis une fille ici, je suis une femme, je suis une fille la vie, je suis une femme. Y a-t-il certaines qui viennent entrer dans la prostitution? Ah, moi, c'est pour moi, attends, moi, je ne connais pas, moi, je ne sais pas, j'ai attendu seulement les parler. Bon. J'ai attendu seulement les parler. Et donc, tu travailles chez les Arabes. Comment tu fais avec ta foi chrétienne? Ça va là-bas que je vais demander qu'on coupe pour moi que on me l'attaque à la parce que c'est pas facile. Mais le prix, ça va être, c'est pas facile quand tu travailles chez les gens. Et en plus, quand par exemple, je suis avec un monsieur fatigué, le temps, il veut lire la Bible, il ne veut pas lire la Bible, il est fatigué, comme il veut dormir, il veut rien, il ne veut pas bien. Je ne veux pas bien méditer comme il faut, je vais juste m'attendre, je vais me coucher, dormir, me lever, c'est comment ça. Bon, dis-moi, as-tu une Bible physique, c'est-à-dire que sur papier, là-bas, ou bien tu lis ta Bible dans le téléphone? Non, ma Bible. Tu as ta Bible, est-ce qu'ils savent que tu as la Bible? Oui. Et ils te voient souvent lire la Bible? Oui, nous voir parfois. Et qu'est-ce qu'ils disent de cela? Oui, parfois ils disent que c'est bien. Que c'est bien. Oui. Ok. Bon, maintenant, si à l'endroit des gouvernements, des peuples africains, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour régulariser ce secteur, selon toi? La fuite des étrangers, des Africains, particulièrement à l'étranger. Qu'est-ce que le gouvernement... Parce que là, tu m'as dit qu'il n'y a pas de représentation diplomatique camerounaise là-bas chez vous. Là, par conséquent, si tu as des problèmes là-bas, aucun Camerounais ne peut te défendre, sinon tu vas subir seulement les fougues de tes bourreaux. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire, les gouvernements africains doivent faire, selon toi? On doit normalement avoir notre ambassade ici, non? L'ambassade ici, là, oui. Parce que, attends, pour venir à Bokoué, à l'aéroport, pour venir au Koweït à l'aéroport, eux refusent que tu viennes au Koweït, il faut que tu donnes 500 000 avant qu'on négociation, avant qu'on te fasse. On refuse parce que. Voilà, on refuse, je ne sais pas, mais on refuse. Elle disait tout propre avec tout le président avait demandé que tu peux avoir 600 000 sur toi. 600 000. Pour ça, si tu arrives et que c'est faux, tu payes ton billet d'avion, tu rentres. Donc, si le président, ou bien le ministre des Relations extérieures, ou bien le premier ministre suit cette témoignage que tu donnes là, qu'est-ce que tu leur dis? Mon point de vue, Bon, maintenant, est-ce que tu as déjà fait plus de 3 ans là-bas? Est-ce que tu n'as pas un statut de résident? Tu n'as pas de carte de résidence là? De résident permanent? Moi, la carte, il n'est pas, mais il y a certains qui ont la carte. Ils ont la carte d'identité. Mais je ne sais pas pourquoi ma carte n'a pas fait pour moi. Bon, il n'est pas. Ça veut dire que ton travail n'est pas déclaré. Ça suppose que tu n'es pas officiellement déclaré là-bas comme travailleur. Je suis déclaré, j'ai le visa. Mais tu as le visa de combien de temps? De 2 ans, c'est le visa de 2 ans. Et avec ce visa? Quand tu viens travailler, parce que c'est le contrat, non, que tu signes. Oui. Ok, donc, quand ton visa va finir, va périmer, tu pourras encore renouveler ou bien quoi? Comment tu vas faire? Renouveler le contrat. Tu vas encore à l'agence? Non, pas la famille, pas la famille. pas encore l'agence, forcément l'agence, parce que là-bas qu'on te connaît. Ok, Oui. ça veut dire que cette agence-là travaille de complicité avec les services d'immigration ou bien des relations extérieures là-bas, de l'intérieur. Sûrement. Ok. Ok, c'est fait tard chez vous. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen. Je te parle. Oui, Ah, 2 heures. deux Je te parle en off. Je te parle en off tout à l'heure, d'accord? Tu Dès que j'ai fini avec ton témoignage, je te prends en off. On parle, je te dis des choses privées, d'accord? OK. Que le Seigneur te bénisse.